et maintenant tu pars. Ils ont raté notre rencard, je voulais qu'ils soient les mieux sapés. Alors j'osais jamais me lancer, mais à vouloir faire de mon mieux. Je n'ai rien dit, ça c'est curieux. Je me suis tue sous tes regards, comme perdu sur le quai d'une gare où l'annonceur au microphone t'a mué un mécaphone. Pourtant je t'aime, ça brûle dedans, mais ça coince derrière mes dents et mes prunelles peuvent crier. Ma bouche est vide, te laisse filer. T'es un muet de l'amour qui croit que le monde est sourd. Le son s'éteint sur ce que tu penses. Tes sentiments vivent en silence. Et y'a qu'un stylo qui te libère et empêche ton cœur de se taire. Alors t'écris ces mots d'amour dans cette lettre comme seul recours. Si loin de toi, je veux que tu viennes sous notre toit. Je te jure que je ferai des efforts. Mon ange revient, je t'aime si fort. J'irai même voir un psychologue, des professeurs dans le dialogue. Je regarderai des mélodrames, comment dire qu'on aime sa femme. Je veux plus te laisser dans le doute, je veux te parler et que tu m'écoutes. Te dire que je t'aime à chaque instant, plus que tu crois que je suis distante. Te le susurrer sur l'oreiller, comme ça pour rien sur le canapé. Te le crier fort en soirée, même si mes potes vont se marrer. T'es un muet de l'amour qui croit que le monde est sourd. Le son s'éteint sur ce que tu penses. Tes sentiments vivent en silence. Et y'a qu'un stylo qui te libère et empêche ton cœur de se taire. Alors t'écris ces mots d'amour dans cette lettre comme seul recours. Que je suis guérie, en plus t'es revenue ma chérie. Je vis dans le bonheur le plus complet. Te dis tout le temps que tu me plais. 10 000 je t'aime à la seconde. Je suis le plus expressif de ce monde. Je t'aime quand tu fais la vaisselle. Je t'aime quand tu traces les aisselles. Je t'aime même quand tu fais la gueule. Je t'aime quand tu veux être seule. J'ai changé, tu devrais être contente. Alors pourquoi t'es si distante? Et tu me quittes encore une fois. Overdose de mots venant de moi. Trop de je t'aime, tu le désires. Reviens, je me tais à l'avenir. T'es un muet de l'amour qui crois que le monde est sourd. Le son s'éteint sur ce que tu penses. Tes sentiments vivent en silence. Et y'a qu'un